Book 2 17 17 في البيت à la maison هنا بيتنا voici notre maison فوق يوجد السقف. Le toit est en haut. تحت يوجد القبو. La cave est en bas. توجد حديقة خلف المنزل. Il y a un jardin derrière la maison. لا يوجد شارع أمام المنزل. Aucune rue ne passe devant la maison. توجد أشجار بجوار المنزل. Il y a des arbres à côté de la maison. هنا شقتي. Voici mon appartement. هنا المطبخ والحمام. Voici la cuisine et la salle de bain. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. باب المنزل مغلق. La porte d'entrée est fermée. لكن النوافذ مفتوحة. Mais les fenêtres sont ouvertes. اليوم الجو حار. Il fait chaud aujourd'hui. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Nous allons dans la salle de séjour. هناك يوجد صوفة وكنبة. Il y a un sofa et un fauteuil. تفضل واجلس. Asseyez-vous. هناك يوجد كمبيوتري. Mon ordinateur est là-bas. هناك جهازي الستيريو. Ma chaîne stéréo est là-bas. التلفزيون جديد تماماً. La télévision est toute neuve.